Comment dit-on « j'aime ça »,« ça me plaît » ?« Me... » »« Me gusta. » C'est ça. « Me gusta. » »« Me gusta. » Alors, « j'aime parler espagnol », c'est-à-dire « ça me plaît de parler espagnol ». Me gusta. Me gusta, oui. Parler espagnol. Hablar espagnol. D'accord. Me gusta hablar espagnol. Ou, si ça vous plaît beaucoup, me gusta mucho hablar espagnol. Hein? Me gusta mucho. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Me gusta mucho hablar espagnol. Parler l'espagnol. Comment direz-vous, je n'aime pas rester à la maison le week-end? Je n'aime pas rester. No me gusta quedarme. Très bien. No me gusta quedarme. À la maison, hein, ça se dit en casa. Hein. Casa, c'est la maison. On l'avait déjà vu. Donc, à la maison, en casa. En casa. D'accord. Donc, no me gusta quedarme en casa, hein, à la maison. En casa, le week-end. En espagnol, on parle littéralement de la fin de semaine. El fin. El fin de semana. Tout à fait. El fin de semana. El fin de semana, c'est le week-end. Donc, je n'aime pas. No me gusta. Rester. Hein, littéralement, me rester. Quedarme. En casa, à la maison. El fin de semana, le week-end. No me gusta quedarme en casa el fin de semana. Comment direz-vous tu aimes ça? C'est-à-dire, ça te plaît. Te gusta. Te gusta, oui. Souvent, on vous demandera, vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Qui se dit? Le gusta. D'accord, le gusta. Ça vous plaît? Vous aimez ça? Et comment dirait-on « nous aimons ça hein, », c'est-à-dire « ça nous plaît »?« Nos gusta ». C'est ça, « nos gusta hein, », ça c'est « nous aimons ça ». Bien, alors, si « me gusta » du verbe « gustar » c'est « ça me plaît », comment direz-vous « ça me plairait »?« Me gusta ».« Me gustare ». Plairait. Gustare? Non. Essayez encore une fois. Je vous demande de dire « ça me plairait ». Me gustara. Plairait. Gustara? Gustara, c'est la forme du futur. Hein? Ça veut dire « ça me plaira ». Ah, oui. Mais « ça me plairait », ça sera... Me gustaría. C'est ça. Hein? Gustaría. Hein? Me gustaría. Ça, on le dit très souvent en espagnol pour « j'aimerais hein, ». Comme par exemple « j'aimerais pouvoir parler espagnol ». Alors, dites-le s'il vous plaît. « J'aimerais pouvoir parler espagnol ». Ça sera « Me gustaría poder hablar espagnol ». Bien. « Me gustaría poder hablar espagnol ». Et « j'aimerais aller voir le film ». Avec toi. Me gustaría. Me gustaría, oui. Aller voir. Ir. Ir. Ir a. Oui, mais... Ira. Ira, hein, c'est ça. Ira, aller voir. Ver. Voilà. Ira ver le film. La película. Tout à fait. La película. Hein, c'est le film. Hein, rappelez-vous, c'est une pellicule. Hein? Mm-hmm. La película, le film. Avec toi? Contigo. Bien, contigo, tout à fait. Contigo. Hein? Un seul mot, tout attaché. Hein? C'est un peu une forme particulière. Tout comme conmigo, avec moi. Donc, me gustaría, je voudrais, ir a ver, aller voir, la película, le film contigo, avec toi. Me gustaría ir a ver la película contigo.